Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux, une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Au micro, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional là-bas en parlant de golf. Le golfeur Kevin Fortin-Simard n'a pas été en mesure d'éviter la coupure lors d'un tournoi de golf qui s'est déroulé dans l'État de New York. Kevin Fortin-Simard a joué 69, soit moins 3, pour terminer au 36e rang. À égalité avec d'autres golfeurs. Il a réussi 5 oiselets, il a commis également 2 bogeys. Les organisateurs prenaient seulement les 12 premiers pour le tournoi. Maintenant, on va parler de soccer et des matchs dans les différentes ligues de soccer qui nous intéressaient. L'attaque de Saint-Prime a défait le FC Jean-Dumas 4-3. Également, verdict nul de 0-0 entre le Chinook de Chicoutimi et le FC de Saint-Félicien dans un match de la catégorie U16 féminin. Ligue de balle lente de Robertval, Garma a défait Zodiac 7-5, AEW8, Pierre-de-Tourousselle 7 et Saint-Hubert a défait Megavac 6-5. Et verdict nul dans un match de Ligue de balle lente de Dolboum-Sessigny hier entre le Saint-Hubert et le Métro 14-14. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.